Unité 3. La tenue vestimentaire et l'hygiène. Page 48. Dalila et son frère Mohamed demandent à leurs parents de leur acheter des vêtements. La maman, que préfères-tu Dalila, un habit traditionnel ou un habit moderne? Dalila, je veux ce joli caftan. La maman, d'accord. Et toi, Mohamed? Mohamed, moi, je préfère un costume. Je l'ai vu dans l'autre magasin. La maman, que préfères-tu Dalila, un habit traditionnel ou un habit moderne? Dalila, je veux ce joli caftan. La maman, d'accord. Et toi, Mohamed? Mohamed, moi, je préfère un costume. Je l'ai vu dans l'autre magasin.